Mosaïque. Bonjour et bienvenue dans l'émission Mosaïque. Pacifique Chubairo est à l'animation de cette émission. Francine Ndokugayo assure la réalisation. Albert Ndouayo s'occupe de la technique. La résolution 1325 du Conseil de sécurité de l'ONU sur les femmes, la paix et la sécurité a été adoptée le 31 octobre 2000. Le Burundi, comme les autres États, s'engage sur quatre piliers principaux à travers cette résolution à favoriser la pleine participation des femmes dans des conditions d'égalité, à la prévention et au règlement des conflits, ainsi qu'à l'édification et au maintien de la paix. Dans Mosaïque d'aujourd'hui, nous discuterons autour de la mise en œuvre de cette résolution au Burundi. Nous parlerons également des défis et des actions à proposer en vue d'une meilleure implication des femmes dans la prévention et la résolution des conflits, conformément à la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Autour du plateau, nous accueillons quatre invités. Monsieur Jacques Ndokugayo, conseiller au ministère de la Solidarité et Droits de l'Homme. Bonjour et bienvenue dans l'émission Mosaïque. Bonjour. Nous accueillons également Madame Contessa Balilike, représentante légale de l'Association des femmes rapatriées du Burundi. Bonjour et bienvenue dans l'émission Mosaïque. Nous souhaitons également la bienvenue à Madame Soline Rubuka, représentante de la concertation des collectifs et ONG féminines de la région des Grands Lacs, FOCAFEM GL. Bonjour et bienvenue dans l'émission Mosaïque. Bonjour et merci de l'invitation. Nous accueillons également Monsieur Gérard Ndouayo, expert dans la mise en œuvre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Bonjour et bienvenue dans l'émission Mosaïque. Bonjour et merci. À vous tous qui nous écoutez à ce moment, nous vous souhaitons la bienvenue dans l'émission Mosaïque, produite en partenariat avec l'Association des femmes journalistes AFJO en sigle. Mosaïque. Sans tarder, Monsieur Gérard Ndouayo, lorsqu'on parle de la résolution 1325 adoptée par le Conseil de sécurité de l'ONU, au fond, qu'est-ce que l'on veut dire? Bon, la résolution 1325, c'est une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, vous l'avez bien dit, qui a été adoptée le 31 octobre 2000, donc qui énonce le rôle des femmes dans la prévention, dans la gestion et dans la consolidation de la paix. La consolidation de la paix étant comprise comme tous ces processus post-conflit, DDR, justice transitionnelle et autres processus de reconstruction post-conflit. D'ailleurs, on veut parler du programme de démobilisation et de réintégration en cas de période de post-conflit. Oui, exactement. C'est des processus post-conflit qui sont mis en place chaque fois qu'un pays aborde la période de post-conflit. Sinon avant, il y a trois périodes. Il y a la période de pré-conflit, il y a la période du conflit ouvert qui conduit au processus de paix, le processus de paix qui s'achève par la signature d'un accord de paix. Mais cet accord de paix aborde un processus post-conflit, là où on fait DDR, où on fait justice transitionnelle, reconstruction post-conflit. C'est dans le vocable consolidation de la paix. Alors, résolution 1325, qui a été adoptée en l'an 2000, venait compléter ou bien essayer de combler le vide qui avait été créé par le fait que les négociateurs étaient majoritairement des hommes. Étant majoritairement des hommes, l'analyse qu'ils faisaient autour de la table de négociation était une analyse qui était partielle, qui n'était pas complète. Donc le fait que les femmes devaient faire partie du processus de paix, on voulait que les processus de paix soient des processus durables, viables, tenant compte de toutes les problématiques d'une société en conflit. Donc c'est ça. Alors ici, on voudrait effectivement peut-être les féliciter, les gouvernements, y compris le gouvernement du Burundi. Ici, je note que le Burundi a servi de laboratoire d'idées et de pratiques, parce que... En quelle qualité? Oui, parce que la résolution a été adoptée en octobre 2000. Vous savez que 4 mois avant, c'était la signature de l'accord d'Arusha. Donc, le processus de paix burundais qui avait été entamé depuis 1998 avait tenu en compte, compte tenu de cette résolution, sans savoir qu'il avait été voté. Donc, l'ONU s'est servi de l'expérience burundaise de l'intégration et la prise en compte des besoins des femmes et surtout de la participation des femmes lors du processus d'Arusha. Je vous remercie. Je me retourne du côté de Soline Rubuka au niveau de Rokafem. Si l'accord aurait servi à l'élaboration de cette résolution, est-ce que le Burundi vit les acquis de cette résolution 1325? Je dirais oui. Et nous pouvons nous dire que aujourd'hui, les femmes ont récolté des fruits visibles parce que dans la Constitution, il a été intégré qu'il y aurait un minimum de 30% dans les organes de prise de décision. Ça veut dire au gouvernement, à l'Assemblée nationale, au Sénat. Alors, ça veut dire depuis 2005, ça veut dire 5 ans après cette signature de la résolution 1325, il y a eu des résultats palpables au gouvernement. D'abord, à la présidence, nous avons eu une femme qui a été vice-présidente. Mais malheureusement, après de telles lettres mortes, la femme n'a pas été remplacée par la femme. Mais au gouvernement, il y a eu des avancées significatives. C'était 30%, plus de 30%, même si aujourd'hui nous avons 25% au gouvernement. À l'Assemblée nationale aujourd'hui, ça veut dire depuis 2005 jusqu'à aujourd'hui, on n'est pas moins de 30%. Aujourd'hui, nous avons 36,4%. Au Sénat, nous avons 41,8%. Dans les conseils communaux, c'est allé augmentant. Aujourd'hui, nous atteignons 32%. Comme administrateur, nous avons 32,7%. Jusque-là, ça va. Mais nous regrettons que... Ça, c'est au niveau de la représentativité des femmes. C'est un des piliers qui est mis en avant par cette résolution. Oui, c'est le premier pilier. Mmh. Au niveau des forces de maintien de la paix, parce que la résolution 1325 insiste là-dessus. Il faut une représentation féminine. Là, ça fait défaut parce que au niveau de l'armée, on dirait que c'est presque inexistant, mais au niveau des forces de sécurité publique, nous avons des chiffres un peu timides, nous avons 2,3%. Ça veut dire jusque-là, au niveau des forces de défense et au niveau de la sécurité publique, vraiment on est sous-représenté. Mais ailleurs, je dirais que ça va au niveau des organes de prise de décision. Au niveau d'autres piliers, nous pouvons mentionner la prévention et la protection, la prévention des violences sexuelles basées sur le genre, la protection des victimes des violences sexuelles basées sur le genre. Là, il y a une avancée au niveau de la COCAFEM. Nous pouvons noter l'existence d'une loi relative à la prévention, à la protection des victimes des violences basées sur le genre, mais aussi à la répression. Cette loi existe bel et bien depuis 2016. C'est une avancée parce que la COCAFEM, à son niveau, avait mené un plaidoyer musclé pour qu'il y ait promulgation de cette loi. Pour nous, c'est un succès. Et au niveau du quatrième pilier, qui est celui du relèvement communautaire, au niveau de la communauté, nous essayons de plaider pour que la femme puisse avoir des moyens nécessaires. Parce que vous savez que lors des conflits, ce sont les femmes et les enfants qui sont les plus touchés. Et là, nous plaidons pour que les femmes aient des moyens pour sortir de la pauvreté. Nous plaidons pour que les femmes aient accès au crédit. Nous plaidons pour que la femme puisse vraiment avoir des moyens, parce que ce sont les moyens même qui lui permettent de participer politiquement. Parce que si vous n'avez pas de moyens, vous ne pouvez pas vous sentir discriminé. Il est difficile de parler de vos droits quand vous n'avez pas quelque chose à mettre sous la dent. Tout ça, ce sont des défis que nous essayons sur lesquels nous devons travailler pour que la femme vraiment puisse vivre dans sa dignité. Merci, Madame Balibi, qui est au niveau de l'Association des femmes rapatriées du Burundi. Est-ce que vous sentez des réalisations qui ont été faites par rapport à la résolution 1325? Effectivement, depuis l'adoption de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité, nous voyons quand même que le Burundi est en train de vivre cette résolution à travers différentes initiatives. l'initiative d'abord de l'État en tant qu'engagé à mettre en œuvre la résolution et de la part même de l'adoption, mais d'autres acteurs comme les organisations internationales et nous aussi les organisations de la société civile, y compris la FRABOU. Ça, nous le remarquons à travers les quatre piliers, effectivement. Par rapport à la participation, la FRABOU a déjà amené une étude et portant état des lieux de la participation de la femme qui a été validée en décembre 2016. Et nous voyons quand même que là, il y a quelque chose à faire. La moyenne que nous avons eue, c'est 17% de représentativité des femmes. Et donc là, vous comprenez que quand même, même si au plus haut niveau, la femme est représentée conformément à ce que dit la Constitution, les postes techniques, y compris même les mécanismes des processus d'OPE, la femme n'est pas suffisamment représentée. Mais nous saluons aussi l'existence de la loi en matière de prévention des VSBG, comme les violences basées sur le genre. Oui, mais également aussi la création des centres d'encadrement, des centres de prévention, des centres de protection pour les violences basé sur le genre. Au niveau de la femme et la prévention des conflits, il y a des mécanismes au niveau communautaire qui ont été initiés. Il y a les comités mixtes de sécurité. Il y a certaines femmes qui font partie de ces comités mixtes de sécurité au niveau communautaire. Au niveau du relèvement communautaire, la FRABOU a aussi initié des groupes de solidarité au niveau communautaire qui incluent les femmes et les autres et les jeunes également. Et là, c'est par rapport à la création de petites activités génératrices de revenus pour essayer d'autonomiser la femme. Il y a aussi d'autres programmes de Peace Building Fund qui appuient à travers le ministère ayant le genre dans ses attributions. Il y a quand même des fonds qui ont été logés dans des institutions de microfinance où la FRABOU a essayé de sensibiliser ces femmes pour essayer de se grouper en groupe solidaire pour essayer de bénéficier ces microcrédits ou d'autres opportunités qui sont offertes dans les institutions de microfinance, mais aussi en sensibilisant les femmes à initier des associations villageoises d'épargne de crédit. Il y a aussi le programme Now and Us et tout ça. Donc, ce sont des initiatives qui tournent autour de la mise en œuvre de la résolution 1325. Et autre chose que nous saluons, c'est que quand même, nous menons des actions autour d'un plan d'action. Autour des plans d'action, un plan d'action national sur la résolution 1325, un plan d'action national qui vise la mise en œuvre de la politique nationale genre. Donc, c'est tout ça où nous sentons quand même que la résolution 1325 a une certaine base, même si il y a quelque chose à faire par rapport pour arriver à l'égalité homme-femme dans tous les secteurs, à travers justement les quatre piliers de la résolution 1325. Voilà, je me retourne du côté du ministère de la Solidarité et des Droits de l'Homme. Des fois, il y a certaines différences au niveau de la perception sur les actions menées à travers le pays, sur certains programmes, et les associations féminines saluent déjà plusieurs avancées en termes de la mise en œuvre de la résolution 1325. Est-ce qu'au niveau du ministère, y aurait-il des engagements pour que ces actions soient effectivement menées et saluées par ces associations? Le ministère, il y a déjà dans ses attributions, en collaboration avec ses différents partenaires, a déjà initié l'élaboration d'un plan d'action national de mise en œuvre de la résolution 1325. Nous en sommes au deuxième plan. Le premier couvrait la période de 2011 à 2016 et le second va couvrir la période de 2017 à 2021. Alors, une évaluation nationale a été faite en 2016 pour voir les résultats obtenus au travers de la mise en œuvre du plan d'action 2011-2016 et des avancées, comme mes conseillers viennent de le dire, ont été observées. Alors, pour ce qui est au niveau national, ce qui a été entrepris, on l'a dit, mais je dirais principalement la mise en place d'un fonds de garantie, ça a été dit par Mme Concessa, pour faciliter l'accès des femmes au crédit. Ça était un fonds qui a été mis en place, qui est opérationnel dans 8 provinces du pays. Avant, ce fonds avait eu mise en élaboration et la mise en œuvre d'un projet. Un projet dont les bénéficiaires étaient les femmes des provinces qui ont été plus touchées par le conflit que notre pays a a connu. Donc ce projet concernait les provinces de Bujumbura, la mairie de Bujumbura, les provinces de Cibitoke et Bubanza. Donc c'est un projet spécifique aux femmes dans le cadre des projets qui ont été réalisés juste après l'arrêt des hostilités en 2000. Dans un premier temps, donc, ça a été un projet qui avait pour objectif d'aider les femmes qui avaient été beaucoup touchées par le conflit, s'équiper, avoir ou loger, c'était également avoir de petits des capitaux pour exercer des activités génératrices de revenus. C'est même sur base de ce projet qu'on a constaté que si les femmes ont des moyens, elles peuvent exercer des activités génératrices de revenus et pouvoir s'autodévelopper. Il y a également d'autres initiatives qui ont été menées, même si on dit qu'au niveau du secteur, au niveau des corps de défense et de sécurité, que l'effectif des femmes restait minime, il faut savoir d'où on est venu, parce que avant 2000, c'était presque... C'était rare de voir des femmes en uniforme, mais même si l'effectif restait minime... Vous remarquez quand même des avancées significatives. Oui, il y a eu des avancées significatives, parce que partir de quelques dizaines et arriver à 1000 ou 2000, c'est grand chose. Donc, on a fait une sensibilisation pour que les filles et les femmes puissent intégrer ces corps. Donc, également, comme ça a été dit, des initiatives pour que, au niveau des lois, il y ait des lois qui puissent protéger les droits des femmes. Il y a eu une loi spécifique sur la prévention, la répression des violences basées sur le genre. Mais également, il y a une loi qui réprime la traite des personnes, qui est également donc une violation des droits de l'homme qui concerne beaucoup plus les femmes et les filles. Donc, il me semble que la résolution s'ajoute à plusieurs textes qui obligent ou recommandent aux États de faire des efforts en termes d'égalité de genre et d'autres actions, notamment le relèvement communautaire. En quoi se singularise la résolution 1325 par rapport aux actions qu'un gouvernement peut mener au bénéfice des femmes? Donc, la spécificité de la résolution 1325, c'est que cette résolution invite le gouvernement à donner une place de choix aux femmes dans le processus de recherche de la paix, de maintien de consolidation de la paix. Donc, que les femmes ne soient pas... Et Monsieur Gérard Ndouaïo, quand on parle de la mise en œuvre de la résolution 1325 en faveur des femmes en termes de paix, de sécurité, est-ce que c'est vraiment facile d'évaluer son impact du fait que ça concerne plusieurs aspects de la vie de la femme? Oui, effectivement, ça concerne plusieurs aspects. Moi, j'aime à dire que cette résolution, c'est comme une Bible. C'est 3 pages. Mais dans les 3 pages, si on creuse, on va trouver tous les aspects de la vie politique, économique et sociale d'un pays. Et de tous les pays du monde, que ce soit des pays qui sont en période de paix ou période de pré-conflit, parce que les périodes de pré-conflit sont toujours des périodes de paix, ou en situation de conflit ou en situation post-conflit. Donc si on pouvait vulgariser cette résolution, comme on a vulgarisé la Bible ou le Coran, je pense que le monde s'en porterait mieux. Mais ce n'est pas encore le cas. Peut-être il faut parler d'une évaluation qui devrait être faite chaque année au niveau des pays, au niveau des organisations régional, au niveau local, au niveau des communautés, parce que la particularité, vous avez posé la question sur la particularité ou la spécificité de cette résolution. Mmh. Ici, je vais relever 3 points. C'est une résolution qui insiste sur la nécessité d'une paix inclusive. Pas une paix, comme on aime à le dire dans l'absolu, la paix des braves ou la paix des chefs des partis politiques qui se sont réunis autour d'une table pour partager les postes de responsabilité. Non, une paix inclusive, ça veut dire qu'il tient en compte de tous les aspects de la vie d'un pays. La vie économique, la vie politique, la vie sociale. Et Dieu seul sait combien, au niveau de cette vie, les femmes comptent peut-être pour plus de 50%. Et ce n'est pas tenu en compte par les chefs de parti ou les chefs des groupes armés quand ils sont seuls autour de la table de négociation. Donc la résolution est venue corriger effectivement cette partialité ou ce caractère un peu bancal d'une IP qui est précaire et fragile. Donc une IP inclusive qui tient en compte les besoins et les priorités de tous les groupes dans la vie d'un pays. Bon, la deuxième particularité, c'est que c'est une résolution, quand il faut la mettre en œuvre, c'est là où peut-être vous demandez l'évaluation. On évalue comment? Est-ce que c'est le gouvernement? Non, c'est pas le gouvernement seul. Il y a un comité de pilotage. Le comité de pilotage d'un plan d'action national, là où il y a des plans d'action nationaux, c'est toujours le gouvernement, la société civile et les partenaires techniques et financiers. Donc, c'est une résolution qui mobilise tous les acteurs. En premier lieu, le gouvernement. En deuxième lieu, la société civile. Et en troisième lieu, les partenaires techniques et financiers. Et en dernier lieu, c'est une résolution qui peut remorquer les bailleurs. Donc, qui peut donner des moyens à tous les niveaux, sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social. Donc, mais justement, dans l'ensemble, on a l'impression que ça, c'est ambitieux par rapport aux attentes. Est-ce qu'on parvient vraiment à financer un plan par rapport à la résolution 1325 dans un pays? C'est pourquoi souvent il faut beaucoup de temps. Bon, comme je vous l'ai dit, les premières étapes, les premiers pas de cette résolution, c'était au niveau du fonctionnement des Nations Unies. Par exemple, maintenant, on sait que le secrétaire général des Nations Unies doit chaque fois donner la parole au Conseil de sécurité sur la mise en œuvre de cette résolution au niveau du fonctionnement de tous les bureaux des Nations Unies dans le monde. Et de plus en plus, l'objectif qui est visé, c'est avoir 50% de femmes et 50% d'hommes au niveau de tous les bureaux des Nations Unies dans le monde. Et le secrétaire général, il est tenu de faire rapport au Conseil de sécurité. Et dans les missions de maintien de la paix, Soline a parlé, par exemple, des soldats de la paix qui sont envoyés dans les missions. On demande au gouvernement qui envoie des troupes de mettre des femmes. Mais souvent, ça dépend. Comment, où trouvent-on des femmes quand, par exemple, les corps de paix et de sécurité ne comprennent pas des femmes? Il y a 2%, 1%, 3%. Mais c'est au moins, au niveau de l'évaluation, on part effectivement de ce constat pour essayer d'imprimer de nouveaux progrès. Et là, on demande aux États, effectivement, de faire des plans d'action nationaux pour essayer de monter le pourcentage ou le taux de représentativité des femmes dans les corps de défense et de sécurité. C'est là où je disais, comme la résolution 1325 met au centre de toute action la recherche d'une paix inclusive, les institutions de paix et de sécurité sont les premiers concernés. Alors, la question qui se pose, est-ce que les institutions de paix et de sécurité sont vraiment sensibilisées sur l'appropriation de cette résolution? Là, c'est un point d'interrogation. Et si on peut, par exemple, demander combien de députés ici, ou combien de sénateurs sont sensibilisés sur cette résolution? J'aimerais savoir. Bon, il n'y a pas d'études qui ont été faites. Au niveau du gouvernement, combien de ministres? Parce que cette résolution couvre tous les ministères. Et en premier lieu, les ministères de la paix et de la sécurité. Ça veut dire le ministère de la Défense, le ministère de la Sécurité, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'Intérieur ou de l'Administration du Territoire. Il y a l'Ombudsman aussi, parce qu'il est chargé de la prévention et de la gestion des conflits. On aimerait voir si, au niveau du fonctionnement de l'institut de l'Ombudsman, effectivement, cette résolution est connue. Donc, il y a un besoin de sensibilisation qui est criant dans les pays, effectivement, qui veulent la mise en œuvre de cette résolution de manière durable. Je me retourne du côté de COCACAFEM. Est-ce que vous sentez que, malgré les progrès déjà réalisés, il y a encore à faire en termes de défis par rapport à la mise en œuvre de cette résolution 1325? Il y a encore à faire. Si nous avons dit que, au niveau des organes de prise de décision, le minimum de 30% a été respecté, nous regrettons qu'au niveau de la base, les femmes sont sous-représentées, notamment au niveau collinaire. Au niveau collinaire, la colline, c'est très important. Colline, c'est très important parce que c'est là où la mobilisation commence. Alors, si c'est ce regret, c'est aussi au niveau des corps de la défense, c'est une répétition, au niveau des corps de la défense, au niveau des forces de sécurité, au niveau même des postes techniques. On regrette que la femme vraiment est sous-représentée, notamment. On est très étonné que dans les secteurs où les femmes sont les plus présentes, c'est là où la femme n'occupe pas les postes de responsabilité. Nous allons mentionner le ministère de l'Éducation nationale. Mmh. Il y a le ministère de la Santé publique. Mais quand même, certaines études ont pu relever que le ministère du genre, il y a plus de 50% de femmes responsables, aussi au niveau du ministère des Affaires de la communauté est-africaine. Là, la femme est représentée au-delà de 40%. Là, ce sont des ministères qu'on peut féliciter parce que quand même, cette parité est en train d'être atteinte. Mais nous devons dire que les bases, les efforts sont encore à mener, notamment au niveau du ministère des Affaires étrangères, comme l'expert Gérald Wayoula a dit, au ministère de l'Intérieur, comment, si les femmes ne sont pas présentes dans ces postes, enfin, il y a quelque chose qui manque. Hein. Mais que dire de certaines critiques où les gens disent que finalement la représentativité, plus de représentativité des femmes ne profite pas assez à la femme burundaise? Oui, vous savez, il y a un proverbe français qui dit que qui veut noyer son chien la cuisse d'orage. On peut charger les femmes, on peut charger les femmes qui ont été élues de tous les mots, mais de toutes les façons, les gens qui les ont élues, ce sont des femmes. C'est 51% de la population qui les a élues, qui les a mis là-bas. Je dirais que ça, ce sont des charges, je dirais ce sont des jugements pour noyer les compétences des femmes. En fait, octroyer les mêmes opportunités aux femmes et aux hommes qui ont les mêmes compétences, c'est une question de droit. C'est pas une faveur, c'est un droit. Qu'une femme qui a les mêmes compétences qu'un homme, on leur octroie les mêmes opportunités. Quoi de plus normal? Je crois que toutes ces choses qui sont dites autour des femmes qui ont été élues, autour des femmes à qui on a confié certaines responsabilités, les mêmes erreurs qu'une femme peut commettre, ce sont les mêmes erreurs qu'un homme peut commettre. Alors, à quel homme a-t-on jugé pour avoir fait ceci ou cela? Pourquoi on choisit la femme? Moi, je trouve que c'est être injuste envers la femme pour continuer à l'intérioriser, pour continuer à lui ôter ce à quoi il a droit. C'est mon point de vue. Merci, madame. Au niveau de la FRABO, est-ce que vous pensez que le Burundi aurait éprouvé des défis à mettre en œuvre la résolution 1325? Je voudrais ici souligner que la R1325 est devenue une obligation légale à tous les acteurs et à toutes les parties prenantes par rapport à faire participer la femme dans la résolution et dans la prévention des conflits pour la consolidation de la paix. Ça, c'est vraiment un fait. C'est légal et c'est une obligation. Maintenant, il reste la mise en œuvre. Le premier défi que je pourrais souligner, c'est que cette inclusivité des femmes, cette problématique de faible représentativité et de faible participation des femmes n'est pas encore une préoccupation pour tous les acteurs. Moi, j'aime beaucoup parler des décideurs et les décideurs sont à plusieurs niveaux. Ça, c'est le premier défi. Le deuxième défi, c'est que la femme elle-même n'est pas encore relevée économiquement. Il suffit de voir les différents rapports par rapport à la pauvreté. Donc là, il y a encore du travail à faire pour que la femme puisse avoir des moyens pour que la femme puisse être autonome afin de participer réellement. Le troisième défi, il y a quelque chose qui était très important qu'il faut souligner ici, c'est que plus de femmes en politique influencent les politiques. Ça, c'est au niveau de la représentativité. Et peu de femmes... La représentativité ne peut pas s'exprimer en termes de quantité plutôt qu'en termes de qualité. C'est en termes de quantité. Quand on dit que plus les femmes sont nombreuses, plus elles peuvent influencer les politiques. Et ça, c'est clair au niveau de la représentativité. Mais alors, le contraire, si les femmes sont peu nombreuses en politique, cette fois-ci, c'est la politique qui les influence. Au niveau maintenant de la participation et en incluant aussi la représentativité, il y a cet aspect de politique, de différentes politiques. Les lois, et y compris même certaines lacunes qui doivent être signalées au niveau de la Constitution, parce que la Constitution n'a pas encore bien défini que c'est 50%. Même s'il y a des avancées, des quotas d'au moins 30% au plus haut niveau, il y a quelque chose à faire au niveau de la Constitution. Et donc, comme c'est la loi mère, c'est-à-dire que les autres textes vont suivre pour essayer d'améliorer au niveau légal cette représentativité des femmes dans les postes électifs et dans les postes non électifs. Ça, quand même, ça, et c'est un défi, même si nous avons des avancées. Un autre défi, c'est à travers les femmes elles-mêmes. C'est un processus et faire éveiller l'éveil des femmes pour entrer en politique. politique, pour participer au niveau des ménages, pour participer au niveau des processus de paix, pour participer au niveau de certains mécanismes qui sont au niveau communautaire en matière de prévention des conflits ou de résolution des conflits. Il faut que les femmes elles-mêmes se sentent capables. Il y a un pas franchi, mais quand même, il y a un autre défi que certaines femmes n'ont pas encore vu là où se trouvent leurs forces pour participer effectivement. Jack Ndoku Gayo, au niveau du ministère, c'est vrai, vous notez plusieurs avancées, mais par exemple, au niveau du relèvement communautaire, il y a une loi sur l'héritage et le partage des biens familiaux qui reste une loi aujourd'hui muette. Personne ne veut en parler alors que ça pourrait participer au relèvement communautaire et surtout au relèvement de la femme. Est-ce que ça, c'est pas vraiment un défi qui pourrait entraver la bonne vision de la résolution 1325? Okay, merci de la question. La loi sur les successions, c'est une loi, comme vous le savez, une loi pour laquelle on a commandité une étude. Je me dis que même en attendant les conclusions de cette étude, les avancées, donc des interventions en matière d'autonomisation de la femme ne peuvent être réalisées. Les gens, pour pouvoir désorienter l'opinion, disent même que c'est une loi pour la succession, des femmes, alors que c'est une loi qui parle de la succession aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Alors, en attendant les conclusions de l'étude, je pense que des actions concrètes peuvent être menées pour l'autonomisation de la femme, comme Constance l'a bien dit. On essaie pour le moment, par exemple, pour notre ministère, on vient d'adopter l'approche Nawenuze qui a été initiée par Karen International comme étant une approche nationale en vue de l'autonomisation de la femme, parce qu'on avait constaté que même si le gouvernement, en collaboration avec ses différents partenaires, avait créé un fonds de garantie pour faciliter l'accès des femmes au crédit, ce fonds de garantie n'était bénéfique que pour des femmes qui ont un certain niveau, qui ont déjà évolué, qui ont déjà avancé, parce que en termes de vie associative. Oui, oui. Donc, qui ont déjà un capital et consistant, parce que les gens qui travaillent avec les banques, ce sont des gens qui ont un capital, qui ont déjà des comptes en banque. Ou les microfinances. Ou dans des microfinances. Alors, on avait trouvé que même si ce fonds de garantie existe, qu'il y a une catégorie de femmes qui étaient laissées pour compte, donc les femmes qui sont vulnérables. Alors on a trouvé que avec cette approche de Caire International, que les femmes vulnérables, lorsqu'elles sont organisées, malgré les conditions de vie qui sont précaires, elles peuvent mettre ensemble les maigres moyens et pouvoir constituer des fonds à travers lesquels elles peuvent s'octroyer des petits crédits et pouvoir démarrer des actifs génératrices de revenus. Alors, cette approche a été appréciée par le ministère. Outre cet aspect que vous venez d'évoquer par rapport aux défis rencontrés, surtout dans le plan d'action que vous avez mis en œuvre entre 2011 et 2016, quels sont d'autres défis que vous avez rencontré lors de la mise en œuvre de son plan d'action? L'autre défi, c'est que le plan d'action n'a pas été suffisamment vulgarisé. Donc, c'est pas dire que le plan n'a pas été vulgariser, mais des fois, vous, par exemple, si vous avez des responsables dans administratifs, donc si vous voyez que les gens, il y a des mutations, il y a également des changements de poste. Dans ce cas-là, donc le nouveau, à la remise et reprise, donc on ne va pas lui informer qu'il y a un plan d'action sur la 1325. Et quand on va s'adresser à la structure, le responsable d'une structure va lui demander est-ce que vous êtes au courant du plan d'action. Il va dire non. Alors que parmi les gens à qui on avait donné le document de plan d'action, même qui avaient été sensibilisés sur l'importance de la prise en compte de la résolution 1325 dans nos planifications, le secteur était concerné. À côté des ressources humaines, est-ce que les moyens financiers pouvaient garantir ce plan d'action? Également, les moyens financiers n'ont pas suivi, donc ils n'étaient pas à la hauteur des actions envisagées, mais si au moins il y avait une volonté que les gens étaient sensibles, donc avec le peu de moyens qu'il y avait, on pouvait arriver à des résultats plus palpables. Et quel montant qui était consenti pour le plan que vous avez achevé, mais également pour le plan en cours d'exécution? Je n'ai pas les chiffres en tête, mais c'était des montants qui sont costauds. Imaginez-vous, si par exemple on prévoit de mettre, par exemple pour cette année, on prévoit d'étendre le fonds de garantie sur l'ensemble du territoire national, on prévoit de créer des centres de prise en charge intégrés dans toutes les provinces du pays. Ce sont des projets qui demandent beaucoup de moyens. Madame Soline serait contente de ça. Oui, c'est vraiment idéal, mais vous savez, c'est... Le plan semble être ambitieux. Le plan est ambitieux. Je ne sais pas si les moyens vont suivre. Je vous rappelle que l'émission c'est Mosaïque. Aujourd'hui, nous sommes en train de débattre autour de la mise en œuvre de la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité, qui a été adoptée par le Conseil de sécurité le 31 octobre 2000. Nous sommes avec quatre invités. Nous sommes avec Monsieur Jacques Ndokougayo, conseiller au ministère de la Solidarité et des Droits de l'Homme. Nous sommes également avec Madame Soline Louboka, qui représente la COCAFEM-GL dans l'émission. Et nous sommes avec Gérard Ndouayo, expert qui a participé dans l'élaboration de l'agenda femmes, mais également spécialisé dans la mise en œuvre de la résolution 1325. Nous sommes avec Madame Concessa Valibike, représentante légale de l'Association des femmes rapatriées du Burundi, AFRABU. Au regard de ce qui a été déjà fait, qu'est-ce que vous préconisez en termes d'action pour que la mise en œuvre de cette résolution 1325 soit effective, Madame Soline? Moi, je prévois deux grandes actions qui seraient axées à deux niveaux. D'abord, la sensibilisation de l'autorité qui prend la décision pour la sensibilisation de l'autorité pour qu'ils soient sensibles aux relations de genre, notamment en changeant de mentalité, parce que offrir les mêmes opportunités à l'homme et à la femme, c'est une question de droit. Comprendre que la résolution 1325 est venue corriger les équilibres les équilibres des relations hommes-femmes. Et deuxièmement, il faut revoir le cadre légal pour que le cadre légal soit moins discriminatoire. Parce que nous constatons qu'il y a des discriminations au niveau de la loi, notamment dans le cadre, dans le code des personnes de la famille, notamment au niveau des points focaux genre au sein de certains organes et tout ça. Ça veut dire tout devrait tendre vers la parité à tous les niveaux. Ce n'est pas dans les organes de prise de décision. Mais il faut voir que tout devrait s'étendre au niveau. Et passer de la base au sommet. Comme ça, au niveau des organisations féminines qui mènent le plaidoyer pour l'égalité homme-femme, qui ne parlent pas de l'égalité mathématique, mais de questions de droit. Et moi, je parle de droit. Ça veut dire, je reprends, j'insiste et je dis que les mêmes opportunités devraient être servies aux hommes et aux femmes à compétences égales. Ce n'est pas une faveur, mais c'est une question de droit. Mais voilà. Si on parle par exemple de l'enrôlement au niveau de l'armée, c'est volontaire, on ne peut pas prendre une femme et la faire enrôler par force. C'est volontaire, mais il y a des mesures incitatives. Il faut que le gouvernement, il faut que les gens qui sont chargés de le faire prennent des mesures incitatives. Incitatives, ça veut dire, je crois qu'il y a des moyens pour inciter les femmes à adhérer à l'armée, inciter la femme à adhérer aux forces de sécurité. Je précise ici, y adhérer, il y a d'abord. Comment les hommes vont accueillir ces filles qui vont aller à l'armée? Comment sont les structures d'accueil qui sont réservées aux filles? Quels sont les avantages qu'on va leur donner? Est-ce que les mêmes opportunités qu'on donne aux hommes, ce sont les mêmes opportunités qu'on va donner aux femmes? Est-ce que les missions qui sont données aux hommes, ce sont les mêmes missions qu'on offre aux femmes? Tout ça parce qu'il y a aller aller dans la formation. Et l'après, c'est l'après qui va aller chez les autres filles à adhérer. Mais aujourd'hui, on voit d'après ce qui est dit, on dit que le nombre de femmes, le nombre de filles qui adhèrent à ces corps tend à diminuer. Pourquoi? Je crois que le gouvernement a suffisamment de moyens pour inciter les filles à adhérer à ces corps. Je ne suis pas spécialiste. Mais il y a moyen quand même. Il y a moyen. Merci, je vous retourne du côté de la Frabo. Est-ce que vous pensez qu'il y a encore des actions à mener en vue de rendre la résolution 1325 plus effective au Burundi? Effectivement, la FABO et la FJO sont en train de travailler sur la résolution 1325 dans un projet de lobbying et plaidoyer. Et là, qu'est-ce que nous visons? Nous sommes engagés à faire un plaidoyer pour que différents décideurs, un, s'approprient d'abord de la résolution 1325. Deuxième chose, c'est que quand même les décideurs à plusieurs niveaux créent des opportunités pour l'inclusivité des femmes dans les processus de sécurité et dans la prise de décision. Parce que là, il faut ouvrir les portes aux femmes pour que la résolution soit mise en œuvre à travers les quatre piliers. Et nous allons aussi interpeller les médias que vous êtes pour voir quels sont les espaces qui peuvent être créés au niveau des médias pour essayer de mener des sensibilisations. Quels sont les espaces qui peuvent être créés au niveau communautaire pour mener des sensibilisations? Comment est-ce que les femmes et les jeunes peuvent faire un networking, donc un grand réseau, pour que ces femmes elles-mêmes peuvent faire leur plaidoyer? Et la deuxième chose, vous savez que nous sommes dans une période électorale, et c'est qu'il y aura des actions vraiment très spécifiques qui vont amener les responsables, par exemple des partis politiques, les femmes parlementaires, les sénatrices et les députés, et à plusieurs niveaux aussi, parce que là, les responsables des partis politiques, il y en a à plusieurs niveaux, jusqu'au niveau collinaire, pour que vraiment on puisse améliorer et qu'ils aient des stratégies pour inclure les femmes. Donc, c'est que dans notre programme, dans notre projet, nous allons essayer de mener en plaidoyer, nous allons essayer de faire les sensibilisations pour que la problématique de la représentativité du rôle de la femme, parce que la participation, c'est plusieurs aspects, comme le consultant l'a dit. La sécurité de la femme, c'est plusieurs aspects, comme le consultant l'a dit. Pour justement que la femme puisse se sentir à l'aise à plusieurs niveaux, au niveau politique, au niveau économique, au niveau des pratiques. Et là, nous croyons que les efforts conjugués des organisations de la société civile et d'autres acteurs, ça va nous donner des résultats justement qui diffère de ce que nous avons pour le moment. Et puis, la FABO vient aussi de faire une évaluation par rapport à la représentativité des femmes. Nous avons fait une étude en 2016 et nous venons de faire une évaluation. Bientôt, on va publier les résultats que nous avons. Et ce sont justement ces résultats, les défis qui persistent, que nous allons interpeller les différents acteurs et autres parties prenantes à mener justement des actions, à créer des opportunités pour l'inclusivité de la femme. Je me retourne du côté de M. Jacques Ndiokougayo. Au niveau du ministère, pensez-vous qu'il y a encore moyen de rendre effective la mise en œuvre de la résolution 1325? Oui, il y a moyen, parce que même ça a été même l'objectif de l'élaboration de du nouveau plan d'action. Alors, pour que la mise en œuvre de ce plan d'action soit effective, c'est que effectivement il faut que cette résolution soit portée à la connaissance de tout le monde, comme les autres l'ont dit, que ce soit les décideurs, que ce soit les femmes, que ce soit les jeunes, pour que chacun comprenne que la femme doit avoir une place de choix dans la prévention, dans le métier de la paix, ainsi que dans sa consolidation. Mais également il faut la politique nationale genre contribue dans la mise en œuvre de cette résolution 1325. Ici, c'est que la résolution 1325, le plan d'action contribue à la mise en œuvre du plan d'action de la politique nationale genre, mais également la mise en œuvre de la politique nationale genre influe sur l'opérationnalisation de la résolution 1325. Ici, je signale que il faut des actions muscrées de sensibilisation, surtout de la jeunesse, pour que que les jeunes comprennent que les femmes, les filles et les garçons ont les mêmes opportunités, pour que les filles et les garçons comprennent les droits, afin que lorsque on les sensibilise à adhérer tel ou tel autre métier, pour qu'il n'y ait pas de résistance. Également, vous avez parlé de l'autonomisation, qui est un domaine qui est très important, parce que l'autonomisation économique également est fixée sur la participation dans les instances de prise de décision. Si le ministère également compte élaborer une stratégie nationale d'autonomisation de la femme, parce que même s'il y a des initiatives dans le secteur, il faut qu'il y ait une stratégie qui montre comment procéder afin que les objectifs fixés soient atteints. Je dirais que nous sommes optimistes que la résolution 1325 soit effectivement mise en œuvre dans notre pays et que le droit des femmes soit respecté dans le processus de métier et de conciliation de la vie. Monsieur Gérard Ndouaïo, est-ce que vous partagez cet optimisme lorsqu'au niveau du ministère en charge des droits de l'homme et du genre, on affirme qu'il y a moyen de travailler pour que la résolution 1325 soit mise en œuvre de façon effective au Burundi? Oui, moi je partage l'optimisme et je suis optimiste et j'encourage tous les acteurs à être optimistes. Parce qu'avec l'optimisme, on a le dynamisme, et avec le dynamisme, on peut changer les choses. Et je pense qu'il y a moyen, comme il le dit. Alors ici, moi, je voudrais insister sur des choses qui sont... En termes d'action amenées dans le futur. Oui, qui sont même répétées ailleurs, tant au niveau des organisations internationales qu'au niveau des États. Un, c'est le financement, c'est l'argent. Donc si, quand il n'y a pas d'argent, vous ne pouvez rien faire. Mais il y a un problème de mobilisation des fonds autour de la résolution 1325. Mais... la mobilisation des fonds demande un plaidoyer. Bon, Madame Soline a parlé du plaidoyer, Madame Concessor aussi, mais le plaidoyer auprès de qui? Bon, il y a des dirigeants ou des leaders qui peuvent être sensibles, effectivement, à ce plaidoyer, parce qu'ils ne sont pas sensibilisés au préalable. Quand ils ne sont pas sensibilisés, c'est pas de leur faute, ils ne savent pas. Alors, comment les sensibiliser pour que le plaidoyer puisse avoir un effet positif et qu'ils participent dans ces mobilisations des fonds? Bon, nous parlons des décideurs. Effectivement, ce sont les décideurs qui, en premier lieu, mobilisent les fonds. Le ministre des Finances. Est-ce que le ministre des Finances, qui prépare le budget, est-ce qu'il est sensibilisé à la résolution 1325? Je me pose des questions. Parce que tout part du ministre des Finances. Bon, si on regarde le budget alloué au ministère et en charge le genre, on va trouver effectivement qu'il y a des problèmes au niveau de la sensibilisation du gouvernement en général sur la notion d'égalité homme-femme dans le développement d'un pays. Alors, il y en a qui parlent de gouvernance, qui parlent de lutte contre la corruption, qui parlent des droits de l'homme, qui parlent, vous voyez, les principes qui sont souvent... Moi, j'aimerais qu'à terme, dans 5 ans, quand je rencontre un petit enfant chez Najuru, il puisse me dire, mais où est l'égalité homme-femme? Il ne va pas me le dire maintenant. Il peut me dire gouvernance, droit de l'homme, lutte contre la corruption, mais il ne va pas me parler égalité homme-femme. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de la sensibilisation. Il y a la part de la société civile, il y a la part du gouvernement, il y a la part des autres acteurs internationaux qui ont assez enseigné sur ces principes et ces concepts. Moi, j'aimerais que ces concepts, effectivement, puissent aller vers le principe égalité homme-femme. Bon, c'est vrai, il ne faut pas que nous soyons complexés, c'est pas seulement ici au Burundi, c'est même dans les autres pays. Je disais tout à l'heure que ce qui est arrivé à Hillary Clinton ou à Ségolène Royal, ça peut arriver ailleurs, mais ça n'est pas arrivé à Angela Merkel, ça n'est pas arrivé à Margaret Thatcher. Donc, il faut toujours relativiser. Relativiser, nous sommes une société en développement. Mais quand il s'agit de l'égalité homme-femme, il y a des pays du Nord qui sont en arrière, qui nous sommes déjà en avance. Les femmes ont voté ici depuis 1961. Je sais qu'il y a des pays du Nord qui ont permis aux femmes de voter dans les années 70. Donc là, il n'y a pas lieu d'être complexé. Nous sommes sur la bonne voie, seulement il faut essayer de parfaire. Parce que peut-être nous sommes en besoin beaucoup plus qu'eux. Donc il faut accélérer le pas du développement. Alors maintenant, j'insiste sur le financement. La mobilisation des fonds, c'est le ministère des Finances. C'est le budget. Est-ce que le ministère du genre a des facilités de convaincre le ministère des Finances pour allouer beaucoup plus d'argent à la résolution 1325? Bon, ici, peut-être qu'il faut parler aussi de la part ou du rôle que les députés, c'est-à-dire l'Assemblée nationale, doit jouer dans le vote du budget, une loi budgétaire. Est-ce que les députés sont sensibilisés à cette résolution? C'est pourquoi ici j'insiste beaucoup sur le financement. L'État ou le gouvernement peut allouer des fonds, savoir comment mobiliser des fonds pour la mise en œuvre de cette résolution. Mais il faut que, effectivement, les membres du gouvernement soient sensibilisés sur l'intérêt de cette résolution. Est-ce qu'il y a intérêt? Peut-être qu'ils ne sont pas encore sensibilisés. Ce n'est pas de leur faute. Il y a aussi les privés, les multinationales qui peuvent venir dans un pays pour creuser, pour exploiter l'or ou les minerais. Mmh. Ils ont intérêt à ce que le pays soit en paix. Or, la résolution 1325, j'ai dit, met au centre une paix inclusive. Il n'y aura pas de paix tant qu'il n'y aura pas de paix inclusive. Mais il faut que les multinationales sachent qu'elles ne peuvent pas. Quand je parle de multinationales, je parle aussi des entreprises étrangères qui peuvent amener beaucoup d'argent ici pour faire du commerce, pour faire de la distribution. Mais il faut que le pays soit en paix. Si le pays n'est pas en paix, il n'y aura pas d'argent. Alors comment investir maintenant dans la paix? Investir dans la paix, c'est investir dans la résolution 1325. Investir dans la résolution 1325, c'est investir dans la paix. Donc il faut qu'il y ait cette sensibilisation au niveau du gouvernement, ministère des Finances, au niveau du privé, les privés nationaux et étrangers, parce qu'ils ne peuvent pas opérer dans un pays qui n'est pas en paix, où une paix n'est jamais durable si elle n'est pas inclusive. La résolution 1325 sert à ce que la paix soit inclusive. Donc c'est là où je voudrais insister sur vraiment la... que les gens réfléchissent beaucoup sur la mobilisation des fonds autour de cette résolution. Et ainsi, on verra effectivement la mise en œuvre sur le plan, par exemple, du plan d'action national. Le plan d'action national, c'est le gouvernement, la société civile et les acteurs internationaux. Comme vous l'avez dit, ça doit être des montants énormes parce qu'il y a beaucoup d'activités, trop d'activités. Mais qui a intérêt effectivement à ce que les activités soient réalisées? Soit réalisé au service du pays. Mmh. Parce qu'il y en a qui ne veulent pas mettre le lien entre la résolution 1325 et la paix. Donc si effectivement on travaille dans ce sens, on peut arriver à convaincre assez de partenaires. Bon, la deuxième chose, c'est... Bon, Madame Soline parle de la sensibilisation des autorités. Mmh, brièvement. Mais là, la sensibilisation ne suffit pas parce qu'on a dit que l'instabilité fait que les dirigeants peuvent changer du jour au lendemain. Mais comment faire en sorte que le nouveau dirigeant, quand il vient, il voit la résolution 1325 sur la table et c'est incontournable. Il doit s'y conformer. Il faut que cette résolution soit inscrite dans les processus de fonctionnement des ministères. Mais tout ça, c'est une loi. Donc ça doit provenir de l'Assemblée nationale. Il faut qu'il y ait une sensibilisation dans tous les secteurs, surtout dans les écoles. On parle de l'éducation aux valeurs. Je suis sûr que maintenant, les enfants à l'école secondaire savent, par exemple, les droits de l'homme, la gouvernance, la lutte contre la corruption, mais l'égalité homme-femme, je me demande. La résolution 1325, je me demande. Alors, il faudrait que, maintenant, au niveau du ministère de l'Éducation, la résolution 1325, l'égalité homme-femme, soit inscrite dans le cours éducation aux valeurs. Comme ça, même si demain, ils deviennent des ministres ou des députés, ils sauront ce que c'est et l'intérêt qu'il doit porter à ça. Voilà. Voilà autant de réflexions qu'il faut mener autour de la mise en œuvre de la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU sur les femmes, la paix, la sécurité, la résolution 1325. Vous l'avez entendu, nous étions dans l'émission au Mosaïque et nous discutions justement autour de cette résolution 1325. Je vous rappelle que nous étions avec quatre invités. Nous remercions M. Jacques Ndokugayo, conseiller au ministère des droits de l'homme et du genre. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Nous disons également merci à Mme Contessa Valili, qui est représentante légale de l'association des femmes rapatriées du Burundi à Prabo. Merci d'avoir été des nôtres dans l'émission Mosaïque. Merci, mais je voudrais corriger un peu mon nom. C'est Varoui qui est Marie Concessa. Mmh. Et j'ai représenté ici la FRABO, mais je ne suis pas la représentante légale de la FRABO, je suis la coordinatrice de la FRABO. Alors, merci pour cette bonne correction. Nous disons également merci à Soline Rouka qui représente la concertation des collectifs et ONG féminines de la région des Grands Lacs au CAFEM. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, j'ai été mandatée pour représenter la CAFEM. Mmh. Je suis pas dans Nous disons également merci à Gérard Nouayo, expert dans la mise en œuvre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies, mais également qui a participé dans l'élaboration de l'agenda femmes. Merci beaucoup. Au micro, vous étiez avec moi, Pacifique Chuvairo. La mise en onde de cette émission a été assurée par Albert Ndouayo. Francine Ndokougayo en assuré la réalisation. À vous tous qui écoutez la radio Sanganilo, nous vous souhaitons de continuer à suivre nos émissions. Mosaïque.